Salut, salut les cailloux, vous êtes toujours sur Radio Cayenne, tous les lundis, et maintenant on rediff les mardis, les mercredis et jeudis, peut-être. Voilà, moi maintenant je vais vous parler d'un article que j'ai trouvé sur Alouest Info, donc c'est un mutu de Rouen, et l'article s'intitule « La catastrophe et nous ». De Lubrizol au Corona, en passant par Fukushima. Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe. Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Il y a 6 mois, nous étions déjà confinés après l'explosion de l'usine Lubrizol. Le 26 septembre 2019, sur le site classé Seveso de Grand Couronne, près de Rouen. Pas aussi bien confinés, me direz-vous? C'est sûrement qu'une épaisse fumée noire et produits chimiques et d'amiante sur une agglomération de 500 000 habitants est moins dangereuse que le Covid-19. Mais c'est à ce moment qu'on a pu faire nos stocks de masques. Lubrizol nous aurait-il sauvés finalement? Ceux qui nous gouvernent seraient capables de présenter les choses ainsi, tant la gestion de l'accident a ressemblé à ce cynisme. Décision de faire sonner les sirènes d'alarme prévues à cet effet uniquement plusieurs heures après l'explosion et seulement dans certains quartiers pour ne pas affoler la population, déplacement autorisé pour le travail, maintien de certaines écoles ouvertes le jour même, puis dès le lundi suivant reprise de toutes les activités et ce, malgré des malaises du corps enseignant et des enfants. Bref, de la gestion de la mauvaise. Ce qu'on peut rappeler, c'est que 6 mois après, et d'ailleurs, même si nous prenions en compte une durée plus longue, les effets de la catastrophe sont et seront difficiles à appréhender. Non seulement parce que toutes les conséquences ne sont pas délimitables, mais surtout parce qu'elles ne sont pas encore finies. S'ajoute à cela l'absence de volonté du côté de l'État d'établir un véritable diagnostic qui ne peut pas juste se compter en nombre d'hospitalisations augmentées. Pollution de grande envergure, des terres agricoles, des forêts et des eaux, et bien sûr, des conséquences moins perceptibles, notamment les conséquences psychosociales. Il n'y a qu'à se pencher vers la catastrophe d'AZF à Toulouse. On sait pourtant que la suite à l'explosion d'AZF, outre la multiplication des maladies physiologiques, il y a eu sur Toulouse une croissance soudaine des dépressions, de la consommation de psychotropes. Depuis l'hôpital militaire installé en toute hâte à Mulhouse, Macron, chef de guerre, appelle ce 25 mars 2020 à l'unité nationale, à son effort, son ordre et ses sacrifiés, les premières lignes, tout en nous glissant une opération résilience. Par ce mot, il officialise qu'il y a un choc et affirme notre aptitude à y résister, et ce, par le biais d'un peu plus de militaires pour épauler la police, avec davantage de pouvoir. Tout cela n'est pas sans rappeler une autre catastrophe, l'explosion de la centrale de Tchernobyl le 26 avril 1986 et la gestion de cette catastrophe. Le gouvernement soviétique a alors lui aussi fait appel au patriotisme à outrance, au sacrifice de ses liquidateurs qui ont été réquisitionnés pour décontaminer ce qui pouvait l'être et poser le gigantesque sacrophage sur le site de la centrale éventrée. L'État soviétique faisait alors la démonstration de sa puissance, de sa rapidité de réaction, pour un prix humain très lourd et politique évidemment. L'événement a participé à la chute de l'Union soviétique. Macron fait appel lui aussi à ses martyrs nationaux, dans un style d'une époque qu'on pouvait croire révolue. Rien de nouveau, un peu plus proche de chez nous. La gestion de la catastrophe de Fukushima nous démontre que cela reste une ficelle très souvent utilisée par les gouvernements en temps de crise. Un extrait du très bon livre Fukushima et ses invisibles, cahier d'enquête politique sur la catastrophe, publié en 2018, nous le rappelle. Le message est clair: être patriote, solidaire, responsable et rationnel. Après une catastrophe nucléaire signifie non seulement accepter la gestion gouvernementale adoptée, mais plus encore partager le fardeau de la contamination en allant jusqu'à dénoncer ceux qui mettraient en doute une telle ferveur nationale. Au Japon, une étonnante opération gouvernementale relayée dans les discours de certains scientifiques affirme désormais que la plus grande part des décès causés par le désastre nucléaire et dû au stress qu'il a provoqué, et non à la contamination radioactive. La peur ressentie après l'explosion s'en trouve ainsi discréditée, et les personnes qui la ressentent soupçonnées d'être irrationnelles, affectées mentalement, voire égoïstes. Ce discours joue sur l'ambiguïté d'une notion biologique de stress comme réponse d'un organisme aux pressions de son environnement, aux transformations de son monde. La propagande gouvernementale vise à opérer un transfert de cette notion de réaction à des atteintes réelles vers l'idée d'angoisse plus ou moins fondée, jusqu'à celle de peur foncièrement irrationnelle, phobie. On glisse donc subrepticement de « l'accident de Fukushima modifie le monde vécu des habitants au point d'en tuer plusieurs milliers » à « les milliers de victimes de l'accident de Fukushima sont mortes de peur ». Ainsi, le gouvernement japonais entend clairement déposséder les habitants du Japon du sentiment que quelque chose ne tourne pas rond et effacer jusqu'au souvenir de l'événement. Sans momentum, sans grand retournement, le temps du désastre est détendu, rendu aussi ordinaire qu'éternel. 6 mois après Lubrizol, 9 ans après Fukushima, et toute proportion gardée, on a terriblement l'impression que les choses ont repris comme avant. Lubrizol s'est permis le luxe de réouvrir 3 mois après l'accident, tant la pression sur les autorités était faible et une nouvelle explosion d'une usine dans la même zone Seveso a eu lieu. Plus personne ne parle de Lubrizol et les Jeux Olympiques devraient se dérouler au Japon, faisant partir la flamme pour son petit tour de Fukushima. Finalement, pas de JO cette année, faute au Covid-19. Toutes les centrales nucléaires ont redémarré au Japon, sauf Fukushima. Dans ce monde-là, on imagine facilement comment la Startup Nation se comporterait après la crise, car il n'y avait jamais autant d'opportunités finalement qu'en temps de guerre. Il suffit d'observer comment LREM profite de la situation pour faire passer un ensemble de lois à toute vitesse au nom de l'état d'urgence sanitaire. On finit par avoir une impression déconcertante. Quand tout est réuni pour changer la direction du présent, quand tout vacille, quand les artifices des gouvernements sont mis à nu de telle façon qu'ils ne peuvent presque plus les dissimuler, même à coup de culpabilisation de la population, quand tout le monde semble s'accorder à dire que la vraie catastrophe n'est pas le virus, mais les dysfonctionnements qu'il dévoile à tous les niveaux de ceux qui prétendent à notre gestion, dans ces rares moments donc, on se sent fortement dépossédé. Dépossédé de l'instant, tant l'envergure de la situation semble nous dépasser, tant ce à quoi nous faisons face est invisible. Pollution, radiation ou virus. On peut lier ces catastrophes et y ajouter toutes celles plus diffuses qui ont lieu quotidiennement sans caractère spectaculaire. Elles arrivent dans une même temporalité, nous tirent vers un avenir maintenant officiel de particules fines, de radiation, de contamination définie par notre modernité. La manœuvre pour s'en sortir est difficile et nécessite sûrement de donner davantage de nous-mêmes, mais elle existe. La catastrophe historique plus profonde et la plus vraie, celle qui, en dernier recours, détermine l'importance de toutes les autres, réside dans le persistant aveuglement de l'immense majorité, dans la démission de toute volonté d'agir sur les causes de tant de souffrances, dans l'incapacité à seulement les considérer lucidement. Cette apathie va, au cours des prochaines années, être de plus en plus violemment ébranlée par l'effondrement de toute survie garantie. Et ceux qui la représentent et l'entretiennent, en perçant un précaire statu quo d'illusions tranquillisantes, seront balayés. L'urgence s'imposera à tous, et la domination devra parler au moins aussi haut et fort que les faits eux-mêmes. Elle adoptera d'autant plus aisément le ton terroriste qu'il lui convient si bien qu'elle sera justifiée par des réalités effectivement terrorisantes. Un homme atteint de la gangrène n'est guère disposé à disputer des causes du mal, ni à s'opposer à l'autoritarisme de l'amputation. On retrouve ici l'indépassable modèle du chantage nucléariste. On impose d'abord un processus incontrôlable et ensuite, avec menaces proliférantes, la nécessité de son confinement par les spécialistes au pouvoir. Le bateau coule. Est-ce plus favorable au capitaine qu'au mutin ?